C'est un freestyle, yaman. Vas-y, branche le Walkman. C'est Sky par un parano sur un style paranormal. Effacer les tempos, explose un tempo. Et je pose un trap sans thème. Je m'en tape si t'aimes. C'est le foumon de système. Ça, c'est systématique. J'ai la technique pour tout niquer, niquer. Quelques lignes plus tard, tous les amateurs ont giclé. Certains seront bien restés pour la manie de me pomper. Mais que se passe-t-il? On est là. On se calme, d'accord? Oh putain, nom de Dieu! On se calme. Zone Arbrox, ça c'est le QG. Équipe c'est vite abrégé. À part moi-même, merde, y'a personne qui est resté. Sûrement trop toxique, tout comme Mazig. Sky, et Walou, je complique le basique. J'ai le bic qui tabasse, qui te rabaisse la cabesse, qui te fout mal à l'aise dans tes godasses. C'est encore jusqu'à finesse, si on serait plus écoutable. Moi c'est tout pour le mic, y'a pas de commerce équitable. En face, des mecs au mic qui tremblent, appelle ce texte qui émet. L'ego trip c'est pas mon kiff, mais faut bien que j'ralume le riff vite fait. J'crasse ces syllabes auxquelles deux jours t'aurais accordé. Car tes synapses, que se déconnecte les synapses, reste plus ta grande gueule qui sert à rien comme une impasse. Demande à LRO, là encore, man j'en passe. Finalement, appelez-moi quand même, même si tenace. Cette fois, c'est le cas de le dire, on a eu chaud aux fesses. Oh non, mais j'arrive. Fuyez. Oh merde, ça recommence. J'suis venu tâcher ça sur, appelle-moi Escobar. Garde le bar, fous-toi là au cul, ça fera plaisir à la censure. Sans aucun sens sur mon textile, car j'ai le texte pile pour percuter l'imbécile. J'ai tant crié que l'homme est sale que je me suis pris pour lessive. C'est l'inox à la prod pour ma récréation. Mémorise bien le code, man, j'suis hors génération. J'emmerde tes chanteurs à la mode et leur distribution. J'ai grandi à l'aveugle, sur faible nutrition. J'reviens bouffer tous ces marquioles sans prendre de rédaction. S'en prennent plein la gueule, normal, s'agit de tant de réactions. Tous pour 0 degré des francs-maçons. J'ai aucun gun jeune, sur Achitique. Juste le rap en passion et la connerie en poison. Pour la paix, aucune potion. Seulement j'compte sur mes positions. En bref, je griffe tous ces amateurs du rap beef. Le beefsteak à la bouche, ce sont des pastèques à la louche. J'croyais en avoir fini sur mes moments de folie. Mais quelque chose s'est réveillé, une bestiole à l'intérieur me ronge l'abdomen pour que le sujet je domine. J'ai donc prêté ma mine, grise la mienne. Sur cette base que j'aime, sur ce je file. J'ai d'autres connards à fouetter. C'est Sky, Linux, son spar. Pour plaisir, bande d'enfoirés. Oh, c'est bon les enfants.